Quel horrible scandale! Vous avez vu ce qu'ils ont fait à ma fiancée? La foudroyante Lindy? Eh bien, ils la traînent dans la boue, c'est fumier de journaliste. Je rappelle à tous les incultes qui nous écoutent, elles sont nombreux, que Lindy est la charmante et courageuse jeune femme qui sert fidèlement son pays, les États-Unis, là-bas, loin en Irak, à la prison d'Abu Ghraib. Alors, sous prétexte de quelques malheureuses photos de torture amicale, où l'on voit Lindy faire la fête avec ses collègues et 5 ou 6 amis prisonniers, tout de suite, on y va de ses conclusions calomnieuses. Ma Lindy n'est pas un bourreau! Je vous assure que quand vous la connaissez bien, eh ben vous venez pas vous plaindre quand elle vous demande de vous mettre à poil, et ce, même avec une cagoule sur la tête. Hein. Oh, on voit bien que ces messieurs de la presse n'ont jamais croisé le chemin de mon cousin Kuntar le Barbare, à l'époque où il était directeur au quartier de haute sécurité de la prison d'Innsbruck. Là, je vous assure qu'il l'a ramené moi, les prisonniers. Même les journalistes, ils ne la ramenaient pas. En général, ils restent enfermés après le reportage. Ah, je me souviens d'une fois, une délégation d'une organisation à la con, là, genre droit de l'homme ou SPA, était venue voir mon cousin. Oh putain, la rigolade. Gunther leur a fait une blague. Il les a fait rentrer dans une cellule de 3 mètres carrés avec 1 mètre de hauteur sous plafond. Je peux vous dire qu'ils avaient pas froid, les cases de la délégation. Quand on a ouvert la porte 6 jours plus tard, oh, fallait voir leur gueule. Le souci, c'est qu'il y en a un qui a dit la phrase de trop. Il a dit « Monsieur Gunther, c'est une honte, vous venez de commettre un suicide professionnel !»« Il est cool, mon Gunther, mais faut pas le menacer. Sinon, il a l'œil droit qui tombe et ça, ça l'énerve. » Oh, je me souviens de sa réaction, ça fait froid dans le dos. Il a fait « Torture !» On ne déconne pas, Gunther, les torture pas. « Mais il a pipi dessus. » »« Ah, pipi dessus, ça va. »« Mais il a la pipi dedans. » »« Ah non, pas pipi dedans, c'est dégueu. » Et puis sorti de nulle part est arrivé Britney Spears. Là, d'un seul coup, sans prévenir, elle regarde Gunther et lui balance « Les petits pédés du Tyrol, ils sentent le mouflon !» Alors là, forcément, comme ça, plus grave, le mouflon, mon Gunther est devenu cinglé. Il a chopé Britney, il lui a fait faire toutes les positions interdites du manuel de l'humiliation extrême en conditions d'hygiène désastreuses, et ce, dans chaque tôle de l'établissement. Elle et le reste de l'équipe ont été rapatriés sanitaires par Europe Assistance. Tout ça pour vous dire que les petites farces bonnes enfants de ma copine Lindy, eh ben c'est de la rigolade à côté de mon Gunther. Bon, je vous laisse, je vais me changer, je vais faire un tour à Cannes, moi. Je vais aller te choper de l'intermittente. Avant de taper dans la star, je vais me chauffer sur le petit personnel. Au revoir.